avant de t'endormir. Avant de t'endormir, pose tes mains de soie longtemps sur mes cheveux déjà lourds de sommeil. Laisse tes mains pour que l'amour s'assoie au bord de ce lit chaud vêtant son drap vermeil. La nuit, mêlée à nous, monte comme une offrande. La lune, en demi-teinte, irise le balcon. Et dans les jeux du cœur, afin qu'elle se rende, l'esprit gagne la chair d'un mouvement fécond. Penche vers moi tes yeux dont la couleur ondule. Sur ma peau, fais courir ta lumineuse voix. 11 heures, puis minuit, rêve ta la pendule. Oh, combien je te sens, oh, combien je te vois. La lampe cajoleuse a des soupirs d'amante. L'étoffe des rideaux croule à longs plis secrets. Sous tes doigts, je devine une soif qui m'aimante jusqu'à ne plus savoir quels en sont les attraits.